Les découvertes musicales de Fadjet. Découverte de l'artiste Charles N2, compositeur, interprète, auteur, exclusivement en français. Sa musique a des styles différents, pop, rock, reggae, avec des influences tout aussi variées, de Gainsbourg à Brassens, de Marley à Ben Harper, de Téléphone à The Cure ou encore de Prince à Daft Punk. Le voici avec le titre « L'homme de paille ». Contre le vent glacial, sur le guidon couché,